Les mains par Hugues Leroux. Il était de ces privilégiés qui ne peuvent sortir d'un salon, d'un fumoir, sans qu'une voix dise derrière eux « Quel charmant homme !» Et de fait, il avait la grâce souveraine, pénétrante, de l'éducation parfaite, cette distinction des esprits un peu supérieurs que nul pli professionnel n'a déformée. Sa pensée était probablement moins rare que sa causerie, mais sans désir de critique, on ne songeait qu'à jouir de sa politesse. Tout au plus, les grincheux, ceux qui résistent à toutes les séductions, pouvaient-ils lui reprocher un léger ridicule? Un charmant homme, c'est sûr. Mais quel dommage qu'il ait une manie si sotte. Et quoi donc? Comment? Vous n'avez pas remarqué ses mains? Avec une taille supérieure à la moyenne, un corps musclé par les exercices nobles, une finesse de trait inattendue, mais décidément virile, il avait au bout d'attache délicate cette main longue, fuselée, que les chiromanciens appellent la princesse. Quand il vous tendait cette main, dégantée, la douceur du grain, la souplesse fondante des doigts, surprenait jusqu'à l'inquiétude, et les yeux, magnétiquement attirés, s'étonnaient d'une blancheur veinée de bleu, polie comme un marbre. Certes, il avait trop de goût pour accrocher le regard par des mises à l'effet volontaire de cette aristocratie de ligne. Ses mains se mouvaient naturellement comme tout son corps. Pourtant, lorsque l'attention s'était une fois portée sur ce détail esthétique, on sentait ses mains obscurément conscientes de leur beauté. Elles se remuaient avec des souplesses, des nuances, qui sans doute n'étaient l'effet que de proportions admirables, mais où la malignité pouvait voir un commencement d'affectation. Cette noblesse étudiée qui habite les membres des modèles. D'autre part, la culture des ongles finement taillés, dégagés à la racine, témoignait de soins méticuleux. Il n'y avait pas jusqu'à deux bagues féminines portées à l'annulaire gauche qui ne parussent l'avertissement d'une complaisance secrète pour ses mains de jeune mariée. L'une représentait le serpent replié sur sa queue qui est le symbole de l'éternité, l'autre enchâssait de brillant en poussière un saphir pâli, du même bleu que les veines. Et ces deux bijoux intriguaient les femmes, car on ne savait rien de son passé, ni de ses amours. Un hasard me conduisit dans sa maison, où il ne recevait guère. Seul dans son cabinet de travail, tandis que le domestique annonçait ma visite, j'ouvrais les yeux très grands. Je voulais lire sur les murs un peu du secret de sa personne et de sa vie. Ce n'était pas là le cadre que j'imaginais pour lui. Au lieu du rococo, des étoffes à fleurs dont le meuble est mes inductions, une simplicité presque nue, un divan et des meubles de cuir, des armes de guerre et de chasse en panoplie, sur les murailles, quelques photographies, des tentures, des souvenirs de sa vie cosmopolite. Au milieu de la cheminée, précieusement, à la place de la pendule, une main de plâtre était posée sur un coussin de velours. Je m'approchai avec curiosité pour la mieux voir, et tout de suite cette certitude me vint à l'esprit, c'est la sienne. En même temps, une moue d'ironie me monta aux lèvres à penser que, dans le secret de sa demeure, il honorait ainsi sa propre beauté. Je me penchai sur cette forme de plâtre. Ce n'était pas une œuvre d'artiste, mais un simple moulage de praticien. La main était coupée, un peu en arrière du poignet, dans une longueur d'avant-bras, qui faisait valoir la tâche. La paume soulevée s'appuyait gracieusement sur les doigts. Dans ce mouvement, l'index et le médium s'allongeaient et, ligne de souplesse, contenue par la courbe de l'annulaire et du petit doigt légèrement écarté. Ainsi posée, la main avait été enterrée vive dans le plâtre et, avec des délicatesses inimaginables, le moulage conservait un frisson de la chair de poule, les rondeurs pures des articulations. Je ne pus résister au désir de palper cette main vivante. Je la soulevai avec précaution. J'en examinai les lignes expressives. Une harmonie s'en dégageait qui captivait la pensée, l'emprisonnait comme une phrase de musique, et tout de suite, inexplicablement, une sensation d'eau fraîche, d'eau courante, montait à la langue devant une telle pureté de contour. J'étais perdu dans cette contemplation quand une voix prononça tout près de mon oreille. « Comment allez-vous ? » C'était lui. Il s'était approché de moi sur le tapis profond, sans bruit. Je demeurai stupéfait de sa venue, honteux de mon indiscrétion, mais tout de suite, pour me mettre à l'aise, il dit du ton le plus naturel, « Vous regardez la main de ma mère ?» Et il me débarrassa du moulage en plâtre qu'il étendit à bout de bras dans l'horizontalité de la vie. Ainsi sa main se trouvait placée tout près du modèle. Je pus juger qu'elle lui était identique. « Excusez-moi, » répondis-je, « j'ignorais que ce fût une relique de famille. Je croyais admirer le moulage de votre propre main. » Il sourit et m'indiquant une place près de lui sur le divan. « Relique est le mot, cher monsieur, relique et fétiche. Vous savez que les orientaux dessinent sur la porte de leur maison une main ouverte pour conjurer le mauvais sort. De même, cette main-là a gouverné ma vie. » Je le regardais avec des yeux surpris. Il continua. « C'est une aventure un peu chimérique, point du tout parisienne, et je vous prie d'avance de n'en pas sourire. Je viens de vous dire que cette main était celle de ma mère. C'est le seul souvenir qu'on m'ait conservé d'elle. Elle est morte au lendemain de ma naissance. Mon père, qui n'avait pas son portrait, m'a souvent répété qu'elle ressemblait à la Vierge au voile. En effet, elle était née au seuil des Calabres, dans un de ces villages que leur escarpement a gardé de toute invasion et où le type est demeuré pur. Pour moi, je ressemble trait pour trait à mon père, mais par une bizarrerie d'hérédité, les mains de ma mère, des mains délicates, m'ont poussé au bout des bras, et c'est à peine si la pratique des armes a un peu déformé leur élégance originelle. La mort d'une femme qu'il adorait a laissé mon père inconsolable jusqu'au dernier jour de sa vie. Pendant longtemps, il avait refusé de me voir. Puis brusquement, vers ma 12e année, il voulut qu'on me ramenât dans la maison. Je n'oublierai jamais cette première entrevue. J'hésitais sur le seuil de ma chambre quand mon père me dit avec douceur « Entre, mon enfant !» Et il m'attira vers la fenêtre avec une impatience passionnée. « Voyons si tu lui ressembles. » Il me considérait avec découragement quand ses regards tombèrent sur mes mains. Alors il poussa un cri et, baissant la tête, il les couvrit de caresses. « Mon père ! Mon père ! » suppliai-je. Il n'entendait rien. Ses larmes coulaient. Enfin il se leva, s'approcha en chancelant de son secrétaire et prit, dans un petit écrin, les deux bagues que vous voyez là. Il me les mit au doigt, puis avec des sanglots qui lui coupaient la parole. « Mon enfant, » murmura-t-il, « Dieu t'a donné les mains de ta mère pour que je puisse les serrer en mourant. Garde-les pures. » Et voici qu'après 20 années de vie commune, mon père m'a quitté. Je reste seul au monde, sans un parent. Avec moi finira mon nom. À cette heure, j'ai la certitude de le porter dignement jusqu'au bout. Pourtant, cette sagesse où vous me voyez n'a pas été acquise sans lutte. Sans doute, ma mère calabraise m'avait mis dans les veines du sang ardent. Il sommeillait en elle. Il s'est réveillé chez moi avec une furie et des révoltes où j'ai bien failli compromettre mon salut éternel. Ne souriez pas, mon cher ami. Je ne crois pas qu'on puisse toucher sans déshonneur les mains du mari après la chair de la femme, ni que l'or des tapis verts ne corrompt pas un peu ceux qui le ramassent. Je portais en moi ces deux vertiges du jeu et des voluptés. Dieu sait où cela m'aurait mené. Mais toujours, au moment de commettre l'acte, il suffisait que mon regard tombât sur mes mains, ces mains de la morte, pour qu'une voix me criât dans le cœur « Non, tu ne les feras pas complices de ton péché. » Ainsi, devant la résistance quotidienne, l'assaut du mal s'est lassé. Aujourd'hui, j'ai la paix. Et quand viendra l'heure de la réunion, je pourrai dire à celle que je n'ai pas connue, « Mère, voici vos mains que je vous rapporte. Vous les aviez données à votre enfant pour le défendre, il ne les a pas souillées. » Mon ami prononça ces derniers mots d'une voix qui tremblait un peu. Puis il baisa la main de plâtre sur la paume avant de la replacer au milieu du coussin. C'était « Les mains » par Hugues Leroux.